Allô, allô, allô, bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast de coquin, la seule radio poubelle homosexuelle de gauche. Allô! On a fait une harmonie, tu le sais pas, parce que c'était pas dans... Mais non. Oui, oui. Ben, même si j'avais des écouteurs, je le saurais non, pas. Non, non, pas non, parce qu'effectivement, l'oreille musicale, toi, c'est quelque chose que t'as pas. Non. Non, non. T'as jamais essayé de jouer d'un instrument de musique? Non, même, je te dirais que, tu sais, pour moi, apprendre à c'est mixer... C'est très intéressant. Alors, parlant de comme... Poubelle Rose, moi, c'est Jess PVM. Et je joue de plein d'instruments. Great. Oui. Je vais repars une carrière en instrumentiste. Oh, bravo. C'est tellement précis, instrumentiste. Bravo. Vous êtes qui? Une personne orchestre. Une personne orchestre. Je ne suis pas une personne orchestre, je vous traitais de personne orchestre. Oui. Je suis Charlie Morin. Je suis plein de choses, notamment podcasteur, oui. DJ, même si oui. J'ai pas l'oreille musicale, pas besoin de non, ça pour ça. Non, pour être DJ, non, t'as juste besoin d'un Mac. Humoriste, parce qu'on n'a pas assez d'humoristes, qu'on se le rappelle. Non, oui, oui. Ça en prenait un de plus, puis il y a de la place encore. Mais c'est parce que c'est pas surtout, un marché qui est saturé. Puis surtout, si vous êtes un homme blanc, oui. On a besoin de vous. C'est vraiment... On a besoin de vous écouter cet appel. Oui, oui, mettez-vous oui. À faire des jokes avec un micro oui. Devant ça, des gens. Drag queens. Ouais, ah, des c'est drag les deux queens. Choses dont on manque beaucoup en effectivement, ce moment. Effectivement, effectivement. Pour vrai, j'aimerais vraiment ça que tu deviennes drag queen puis que moi, je devienne humoriste puis qu'on fasse juste comme s'en aller oui. Directement dans deux millions. On a absolument pas besoin de nous. Fait que, en attendant que Jess devienne drag queen, oui. Moi, je voulais juste vous dire que je vous remercie pour votre soutien inconditionnel dans mon rôle de marmotte de l'hiver qui oui. Annonce le froid qui s'en vient oui. Alors qu'elle goûte un verre d'eau qui oui. S'en vient direct fret oui. En sortant du lavabo. Direct du robinet. Direct du robinet. Incroyable. Moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé un puits de pétrole chaque année. Ça me touche que vous m'attendiez pour ça. Oui. Puis même moi, je bois pas d'eau de l'année tant que tu nous dis pas que c'est moi, correct. Je suis assis à quand, Chris. Gars. Ça fait que ça me fait plaisir, puis je vais continuer de vous l'annoncer voilà. Chaque novembre. Je dis ça, mais je veux dire, à un moment donné, ça se peut que ça devienne décembre. Ben, cette année, il faisait 20 en novembre. Fait que... ben, cette année, il faisait 20 en novembre, et pourtant, là, je veux dire, cette bouteille d'eau-là, je l'ai pris de mon char, puis mon char est rendu un frigidaire à température qui fait dehors. Oui, là. Mais là, fais attention de pas mettre un plat chaud dans ton char parce que tu vas le réchauffer trop vite. Ben, je réchauffais mon char, ça me dérange okay, pas. Ok, non, mais fun. C'est parce que toi et les frigidaires, on sait que c'est une fuck grande histoire right de stress. Off, d'anxiété. Pour vrai. Hier, j'ai fait de la soupe, je l'ai laissée sur mon four toute la nuit pour qu'elle se refroidisse bon. Avant que je la mette dans mon frigidaire. Bon, esti. Puis je suis fier de mon choix. Puis. Moi, je suis pro choix, fait que c'est correct. Yeah. Fais ce choix-là. Ah, t'es assez fin d'être pro choix pour vrai. Esti que je suis de gauche, pareil. Mais. Ah, que je suis de gauche. Tellement de gauche que cet épisode-là, on le fera pas juste nous deux. On non, est non. Plus inclusif que ça. On a du monde on avec nous autres. On a du monde avec nous autres. Hey! On n'est pas tout seul. On est avec Marie-Pierre Boisvert, ancienne directrice générale du Conseil québécois LGBT, autrice et parent, n'en déplaise à Thomas Leblanc. Ben là, allô? Bonjour! Mais je voulais aussi dire que je suis la toux incarnée en ce moment. La toux? Ouais. Oui, oui, oui, ouais. Oui, oui, oui, oui. Ou une pastille à temps partiel. Oui, voilà. Voilà, voilà. Oh my God, le corps à Thomas. Parce que oui, vous l'aurez compris, on va parler de parentalité queer juste pour fâcher Thomas Leblanc, oui. Mais on n'est pas juste avec MP, on mais... est aussi avec... Oh, vas-y. Non, mais c'est quoi son problème à Thomas Leblanc? Il y a eu les enfants et le monde qui en font. Famously antinataliste. Oui, il oui, fait oui, des oui, rants, oui. Là. Sont... Mais moi, je trouve ça, oui. Moi, je trouve ça hilarious. Mais ça peut être très hilarious. Moi, je pensais que c'était un cas sur le fait que je me disais parent plutôt que mère, puis là, j'étais comme, je vais aller péter ailleurs. Non, non, non, non, c'est vraiment comme... fondamentalement le fait oui. D'enfanter le problème. Oui, parfait. Oui. Une personne qui advocate pour l'avortement postnatal. Tabarnak, là. OK, on est aussi avec Marianne Chibat. Là, on va passer à autre chose. Marianne, qui est chercheur postdoctoral, vous voyez comment moi, je suis pas rendu là dans la vie, même pas capable de le prononcer. C'est ça le premier test. À McGill, oui, c'est ça. C'est ça. Chargée de cours et maman depuis un petit bout. Allô, Marianne. Allô. Hey, comment ça va, la gang? Ça va vraiment mal. OK, parfait, merci. Tout le monde est rodé parce que pour les gens qui nous écoutent et qui le savent pas, vous savez sûrement que vous nous écoutez, c'est pas ça que je voulais dire. Ah mon Dieu, j'ai des écouteurs à ses oreilles, puis c'est devenu le matin qui joue, quelle surprise! Mais on l'a déjà fait cet épisode-là, puis ça fait partie des grands pépins techniques qu'on a eu dans notre vie de podcastrice. On l'a perdu. C'est... Je dis on parce que je veux partager la faute avec Charlie, mais c'est moi qui l'ai perdu tout seul comme une grande. C'est, cet épisode-là, c'est le bas que vous avez jamais retrouvé dans le lavage oui. Là, de la saison oui, 3. Oui, oui. On a fait une brassée, tout allait bien, puis comme... au moment de plier le linge, on a réalisé que celle-là oui. Était plus là. Comme si on s'était fait ghoster par le podcast. Ouais. C'est comme ouais. C'était, ouais. C'était étrange. C'était étrange. Mais on est là. Ben, oui. Pas ghosté parce que finalement, tu sais quoi? On m'a donné un petit peu chaud d'ail, on vous a texté. Puis on s'est dit, ah voyez, on essaye encore. Absolument. Alors, on est revenu, puis aujourd'hui, on est revenu avec cet épisode-là pour, vous l'avez deviné, on est avec deux parents. On va parler de parentalité queer. Non, c'est pas 45 minutes sur les mères lesbiennes de Charlie. Mais ça pourrait. Ça pourrait. Mais ça pourrait. Ça ferait changement. Ça pourrait. Si on se fie à l'épisode précédent qu'on a enregistré, mais non, c'est une blague. Pour c'est vrai, blague. C'est que j'en parle jamais. Puis je trouve ça cool de trouver des tribunes où je peux en parler finalement. Les gens ne savent pas. Ça les surprend tout le temps quand je sais. Ça. En tout cas. Oui, oui, oui, oui. Fait qu'on va jaser des doutes qui nous habitent au moment de fonder une famille en tant que queer et des choses qui jouent contre nous et par nous, je veux dire mes mères. Oui. On discute de comment que c'est donc beau de mettre des petits humains au monde. Et de... Pourquoi c'est moi qui dis ce bout-là de l'intro? Ça sonne tellement pas naturel et authentique. On discute de comment c'est donc beau de mettre des petits humains au monde et de ce qui nous challenge d'élever de la marmaille dans une... Nous, c'est les mères à Charlie. Oui. Nous challenge d'élever de la marmaille dans une société qui ne partage pas nos valeurs. Hey, moi, je pense que Thomas est rendu la petite larme à l'œil. Je pense qu'on a réussi à debunk l'antinataliste, là. Puis, on panique collectivement en espérant que les enfants de Marie-Pierre et Marianne ne finiront pas comme moi. Oui. Ah, tu vois, c'est ça. T'avais bien séparé. C'était moi qui étais supposé dire Charlie dans le magasin. C'est ça. C'est ça. Voilà. Tu me fais dire des affaires qui n'ont pas d'allure. Alors, nous, on va aller montrer nos faces dans une vitrine de garderie pour faire peur à des enfants. Puis, on va aller chercher un café sur le chemin. Yes. Voilà. Yes. J'ai pas besoin de faire juste grand-chose. Juste nos airs bêtes dans la vitrine de la garderie. Ils vont être comme. C'est qui ces messieurs-là? Je vais dire, je suis pas un monsieur. Puis là, je vais essayer de expliquer ça. Trop bon. Ah, c'est le fun, la chorale de tout autour de la table. C'est super. Est-ce que vous qu'on sorte un respirateur? Il n'y a plus personne qui teste positif. Si on le fait, l'épisode. On est rendu, on est assis, on enregistre, on le fait. On est dans une pièce de 3 pieds par 3 pieds. L'air a été respiré 8 fois ici. Ouais. C'est dégueulasse, calice. Ouais. J'ai l'impression d'avoir la gueule sur un exhaust de char. En tout cas. Je suis rendu l'esprit vif depuis que je fume plus de marijuana, c'est incroyable. Ah ouais, oui, elle je peux fait plus. Le vide. Je peux plus si je fais de l'anxiété, Calis. Ouais. Café! Fait qu'on a donné du café à tous les enfants de la garderie. Asti qui était speedé, les éducatrices étaient à bout, puis nous on a décalissé. Oui, j'ai jamais vu du monde faire des cartes de fête en macaroni rapidement comme ça. T'as dit, ça roulait autour sans crise. Une petite industrie, ah ouais. OK, ben, pour commencer... L'industrie, tout le travail des enfants, ça te vient en tête, j'en dirais. Ah, bravo, yeah! Bravo. Mais non, mais... Non, mais faut que ça serve à un moment donné, là. Citoyen productif, citoyenne productive. Puis aussi, productive. Je veux dire, des petites mains, ça fait quand même du travail detail-oriented, ben... comme ça qu'on pourrait pas faire. Puis ça se glisse mieux dans la machinerie aussi, tu sais. C'est ça, fait Chris, le nombre d'adultes qu'on a blessés en travaillant. Me semble il y aurait de l'argent à faire, mais en tout cas. Ça fait que pour commencer. Guys! Comme... fait que pour commencer, parlez-nous donc de vos familles. Genre, comment sont nés vos projets familiaux? Comment les avez-vous menés à bout? Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager sur vos familles? OK. Moi, j'ai fait mon projet famille avec une personne qui s'appelle Marie-Ève, qui était ma partenaire à l'époque. Et puis, c'était en 2013-2014. Ben moi, j'avais vraiment envie d'avoir un bébé. Yes. Puis, je l'ai obligé. Ah, yeah! Yeah! Non, c'est ça. On a commencé à se renseigner. On est allé à la coalition des familles LGBT. On connaissait pas vraiment de personnes autour de nous qui avaient des personnes queer, qui avaient des enfants. Puis ça a été super vite, en fait. On est allé en clinique de fertilité, puis on a eu notre enfant. Puis on s'est séparés après quand notre kid avait 3 ans et demi. Mais on est resté des coparents, puis on va toujours rester des coparents. Fait que c'est ça. C'était vraiment un projet qui s'est fait assez facilement, je dirais. Les ressources étaient là, puis t'sais, au niveau aussi de tout le milieu comme associatif et tout, t'sais, la coalition était très active, la coalition des familles LGBT, ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont beaucoup soutenus, ils nous ont beaucoup validés, fait que ça s'est fait très rapidement, puis même, t'sais, quand on y repense, peut-être un petit peu trop vite, on était clairement pas prête à aborder certains enjeux, mais... C'est peut-être mieux comme ça aussi. Ben, la coalition, ils sont quand même kékasses comme genre comme ressource clé pour. Vraiment. Genre, parce que ce qu'ils disent eux-mêmes à la coalition, c'est qu'un des plus gros obstacles pour les personnes queer d'avoir des enfants, c'est qu'on connaît même pas nos droits, comment que ça fonctionne, exact. Tous les rouages. Puis là, eux autres, c'est comme la ressource pour ça. Fait que ça, c'est malade. Sinon, quand tu dis que vous n'étiez pas prête, est-ce qu'on l'est ever? Je pense pas. OK. Non. OK. Je pense pas. Je pense qu'on n'est jamais prêt, mais je pense aussi, on peut pas prévoir non plus, mais tu sais, comme on a quand même sous-estimé, en fait. Okay. Vous auriez quand même pu l'être plus. Ouais, puis on a quand même sous-estimé comme l'hétéronormativité, en fait, de la société. Mmh. Parce qu'après tout, nous, on était un couple, comme dans nos petites communautés, puis on était quand même, on se protégeait aussi de par notre travail, de par plein de choses. On se protégeait, puis là, finalement, quand t'as un kid, t'es obligé de sortir de cette bulle de confort, tu sais, quelque part. Après, tu prends certaines décisions, mais tu sais, comme juste de mettre ton enfant à la garderie, d'avoir des conversations avec ta famille sur comment t'as envie de l'élever et tout, ça ravive beaucoup de violence. Le monde extérieur te rattrape vite. C'est ça. Ouais. Fait que faut que tu sois prêt, en fait. Puis est-ce que dès que t'as un enfant, le monde extérieur se sent vraiment plus légitime de comme venir vers toi pour te dire quoi faire puis comment que ça marche la vie, là. Clairement. Fait que toi, MP? Moi, au moment où j'étais comme, je suis rendue là dans ma vie, là, j'aimerais avoir un enfant, j'avais deux conjointes, en fait, et on a décidé d'avoir un enfant à deux, en fait, avec une des deux, puis l'autre de lui donner, elle voulait pas avoir d'enfant pour plein d'excellentes raisons, puis elle était chill avec l'idée d'avoir un rôle comme... de marraine, là, en fait, c'est son ton titre officiel. Ouais. Fait que, on a eu Héloïse en 2020, mai 2020. Quelle excellente période pour avoir un enfant. Oui. Ah ouais, fait que là, toi, quand mars 2020, quand tout s'est mis à chier, tout... Moi, j'étais enceinte, puis ça allait... c'était vraiment bon pour ma santé mentale, tout ce qui s'est passé. Elle a dit bonjour le passe-partout. Oui, non, c'était vraiment une période de marde. Ah, ça veut dire que t'as accouché direct dans le moment, parce que mon fiel aussi est né dans ce moment-là où il est en train de dire aux gens qu'elle a accouché seule, sans l'accompagnante. Oui, absolument. T'es fort, hein? Oui. Hello! Non, c'est en parlant de les là, les mauvaises influences, je suis là. Ah ouais. Mais oui, c'est ça. Puis, dans le fond, nous autres, on a fait ça par, ils appellent ça insémination artisanale. Yes. Artisanale. Oui, exactement. Ma grand-mère serait fière. Puis, il y a tel qu'un ovule en macramé quand même. Oui, exactement. Ouais. C'est ça. On a demandé à un de nos amis de nous faire don de son sperme qu'il n'utilisait pas, de toute façon. Puis, ouais. Puis, c'est ça, non. Ça s'est super bien passé pour nous, là, cette méthode-là. Voilà. Nice. Bravo. Merci. ma grand-mère elle-même, elle a dit bravo à toutes, puis là, je suis rendu comme elle. Plus je vieillis, plus je suis comme elle. C'est comme sa réponse à toutes. Au moment de fonder une famille, il y a des doutes qui vous habitent, que ce soit par rapport à la queerness de votre famille, que ce soit par rapport à la difficulté en général d'avoir un enfant. Est-ce que ça vous préoccupait si vous pouviez envoyer un message vous-même dans le passé? Que c'est ce serait? Ben, il y a tellement de... une photo de toi quand t'es enfant. Ça fait vraiment où penser à Grace, genre, what would you say to young Marianne? Mais l'affaire, c'est que, tu sais, hindsight, c'est 2020, right? T'sais, ils disent que, je veux dire, c'est facile de regarder en arrière et de dire, ah, j'aurais pu me poser plus de questions, j'aurais pu, tu sais. Mais comme, moi, en tout cas, je sais pas pour toi, Marianne, mais moi, j'étais vraiment comme dans une espèce de... lune de miel de ma future parentalité, là, comme j'étais genre... Okay, y avait ça va être malade, tu sais, genre, j'avais des doutes sur... Pourtant, je t'avais warn. Je me rappelle de cette discussion. Je me rappelle le talk sur le balcon, j'ai toujours m'en rappelé. J'étais en dépression, Marianne était juste comme, tu comprends pas, genre, ça va être vraiment intense, puis comme, pas, not in a good way tout le temps, là, tu sais. Comme, c'était genre le real talk, là, Mais comme, c'est ça, j'étais genre... un peu aveugle, tu sais, genre j'entendais ce que tu me disais, mais j'étais un peu comme whatever, tu sais. Comme tu disais tantôt, il y a rien qui peut nous préparer à ça, non. Comme il y a juste le avant après est tellement drastique. Puis comme je pense que tout ce que je dirais à moi du passé, c'est comme entoure-toi du plus de gens possible, en fait, c'est juste ce que tu as besoin. Tu as besoin d'un réseau. Puis d'ailleurs la coalition, comme je sais pas comment on survivrait sinon, parce que même en ayant comme plein de gens qui nous aiment, qui nous entourent, on se sent souvent vraiment lonely, je pense, comme parent queer, parce qu'il y en a juste pas assez. Je veux dire, tu vas au parc, là, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres parents queer. Ou les chances qu'à la garderie, il y ait une autre couple de parents queer. Ouais. Mais non. Puis en plus, nous autres, on habitait en région, puis comme, tu sais, c'était genre... Non, non. tu sais, on a été vraiment chanceuses d'avoir du soutien de nos familles. Tu sais, je suis sûre qu'il y a des gens qui, comme, leurs familles sont juste comme, non, tu peux avoir des enfants, mais comme, ouais, ça va être sans mon soutien. Ouais. Mm-hmm. Mais comme, disons, on a été vraiment chanceuses, mais ça reste que c'est vraiment lonely, là. Ah ouais, clairement. Vraiment, moi aussi, je pense que la majorité des personnes, en tout cas, quand ils se préparent à avoir des enfants, quelque part, ils se mettent dans une espèce de bulle positif, là, tu sais, de dire ça va bien aller, puis... Ouais. J'espère que ça va bien aller. Ouais, arc. On peut plus utiliser cette expression, en fait. Mais non, moi aussi, tu sais, j'étais vraiment super optimiste. Puis, tu sais, ça avait quand même aussi bien été. Je pense que si, assez rapidement, j'avais eu comme une mauvaise expérience au niveau des services dans les cliniques de fertilité, ça m'aurait un peu ralenti. Ou, tu sais, mais les choses se passaient bien. En plus, moi puis Marie-Ève, on a eu notre enfant dans un moment où la très grande majorité des services étaient couverts par la RAMQ, par l'assurance maladie. Puis on a quand même été dans une clinique qui était, ouais, où est-ce que ça s'est bien passé pour nous en général. Puis je pense qu'on avait vraiment idéalisé, clairement, mais on avait besoin aussi d'idéaliser qu'est-ce que ça allait être d'être parent. Oui, parce que à un moment donné, ça fait pas de sens de se dire ça va être de la merde, ça va être de l'enfer, ça va être même trop intense. Tu fais ça parce que tu veux puis que tu vois quelque chose de positif là-dedans puis que c'est un désir que tu ressens, là. Absolument, absolument. Mais en même temps, moi aussi, là, tu sais, quand je regarde un peu mon parcours puis quand je repense à moi à ce moment-là, je pense que je me dirais, ouais, de pas hésiter à m'ouvrir, en fait, aux autres puis de pas me prendre tellement au sérieux dans le sens que, oui, c'est super important. On se prend tellement au sérieux. Tu sais, c'est important de t'engager dans un parcours de parentalité puis tout ça, puis de vouloir accueillir un ou des enfants. Uh-huh. Mais en même temps, de se dire comme... De un, ma vie, oui, elle va changer, mais... comme d'essayer de rester aussi comme centré sur ce qui est important puis d'aller chercher de l'aide, d'en parler aux autres, de pas s'isoler. Tu sais, je pense qu'on s'isole vraiment facilement quand on devient parent. Puis, en tout cas, moi, je sais qu'on a voulu devenir un peu comme très autonome. Tu sais, une bulle, là. Ouais, ouais. Comme ouais. Une bulle. Tu sais, ça a dû être vraiment pire en 2020, là, parce que la bulle, it was really a thing. Là, mais une chance bulle. Qu'on était trois, pour vrai. Ouais. Genre, j'ai souvent pensé... Comment les couples hétéros ou même les couples queer, ouais, c'est ça, ou exactement, ouais. Comment ils font, genre je comprenais pas. Ouais. Sinon, pour les services de fertilité, ouais. Je sais que c'est redevenu tout gratis depuis fin 2021. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça fait un an que c'est revenu, mais oui, pendant un moment, je pense que là maintenant, ce qui est gratuit, c'est 6 insémination artificielle puis une in vitro, mais avant il y avait comme rien de ça. C'est quoi, c'est des forfaits de groupe? Ouais, non, c'est ça, tu peux avoir un groupon aussi. My God! Non, c'est ça, non, mais à un moment donné, il y avait comme coupé l'accès pour les femmes lesbiennes, puis ça avait juste pas d'allure, là. Ouais. Genre, okay, ouais, non, oui. Mais chaque fois, chaque insémination, c'était genre 1000$. Hein, mais comme on ça, paye encore les paillettes, fait que ah, ouais. le sperme que tu commandes, surtout si tu prends comme, c'est des technicalités, mais c'est quand même important dans dans les prises de décision. Tu sais, si tu prends un donneur ouvert, ça veut dire une personne qui accepte éventuellement d'être contactée quand l'enfant a 18 ans, puis que tu as accès à certaines informations comme des photos, comme des témoignages, des choses comme ça. Généralement, tu dois payer. Puis c'est à peu près, moi en tout cas à l'époque, c'était à peu près 1000$ par shot. Puis la majorité... 1000$ par shot, je suis pas dans la bonne business, moi. Ah ouais. Non, mais je sais pas cette personne-là, qu'est-ce qu'elle reçoit. Mais ce que les donneurs. Qu'est-ce que tu penses si j'ai pas cet argent-là? Ce que les donneurs reçoivent, c'est pas 1000$. Là. Non, c'est non, non, okay, ouais. Fait que ouais, c'est ça. Il y a quand même des coûts, tu sais, qui sont liés. C'est pas un service qui est complètement gratuit. Ah non, c'est de la merde aussi. C'est-à-dire que le moindre moment que tu veux un donneur connu, tu peux pas avoir accès aux services gouvernementaux. Il faut que tu le fasses toi-même parce qu'eux autres, ils veulent pas prendre le sperme de n'importe qui parce que là, il faudrait que tu payes pour le faire analyser à Toronto pour qu'il te congèle, ouais, te ça. Ramène. Mais c'est ça, mais ça aussi, c'est hétéronormatif parce que si c'était ton chum, il te le ferait. Ah oui, absolument. C'est comme, mais si c'est un donneur. Là, ça, il faut que tu le fasses. Ils sont en comme, là, ma chum, n'importe quel doute, ça va faire. Ouais. Mais c'est ça. Tant que c'est du sperme. Parce que là, ils sont sperme. Comme, on veut pas risquer de vous inséminer avec du sperme avec lequel vous avez jamais été en contact. Puis je suis genre, mais c'est moi qui prends. Je te jure qu'on m'a dit ça, genre, comme, parce qu'on avait regardé avec des cliniques avant d'aller avec un noyau. T'es comme, je vais me mettre en contact avec chez genre, vous, d'abord. Exactement, tu sais, c'est comme. C'est comme j'ai fait ma prise quand t'as essayé des fonds de teint, t'en mettre un petit peu sur la main, voir si ça fait avec toi. Puis, my God. Je comprends qu'il y a des risques, mais comme. Fais-moi signer un papier qui dit que j'accepte les ben risques. Oui. Là, ben oui. Sinon, Marianne, moi, je suis curieux de savoir c'était quoi le talk Sur le balcon avec MP. Là. Qu'est-ce que tu as donné comme petit conseil de parents un peu de presse dans, à ce moment-là? C'était dans le temps que tu travaillais au conseil québécois, puis moi j'étais sur le CA. Ouais, oui, c'est on se voyait souvent, c'était le fun. Fait qu'on était... C'était le fun, je m'ennuie de ce temps-là. Puis, fait que ça pour dire que je pense. Mon kid avait peut-être 2 ans et demi. Fait que, tu sais, c'était un moment aussi quand même difficile avec Marie-Ève. Tu sais, je pense que c'est sûr que c'était ponctué par ça, là. Fait que ça a clairement mis un gros poids sur notre couple. Mais le talk, c'était surtout... moi, je me rappelle que je me sentais vraiment comme étouffée, en fait, par la domination de la parentalité, en fait, de toute la place que ça prenait. Puis j'avais beaucoup de difficultés à aller demander de l'aide. J'avais beaucoup de difficultés à prendre un petit peu de recul, prendre un peu de distance, parce que c'est comme si, en fait, je demandais de l'aide, ou c'est comme si, des fois, je voulais prendre des pauses, ou que je sollicitais comme mes parents, ou mes frères, ou mes soeurs, ou mes amis pour rester avec la petite. C'est comme si je me voyais comme, en fait, que j'étais incapable, Faut tout le temps qu'il y avait, faut tout le temps avoir les réponses. Faut oui, tout le temps, c'est ça. Puis c'est pour 24-7. Ouais. Non, pas de break. Puis aussi, je me sens mal par rapport aux autres, parce que je suis comme, moi, c'est une décision que j'ai prise. Fait que là, pourquoi je vais aller comme leur imposer le fait de garder mon enfant? Puis il y avait des enjeux aussi j'ai peur qu'elle tombe malade ou peu importe. Ouais. Il y avait toutes ces affaires-là. Mais je me rappelle avoir dit à MP que je me sentais comme un peu prisonnière, en fait, de ma décision. Puis en même temps que j'adorais mon enfant puis que j'apprenais plein de choses, mais que c'est comme si le système actuel aussi, puis c'était beaucoup, en fait, c'était comme l'arrimage du travail puis de la vie de couple puis de la parentalité, que pour moi, c'était juste une immense joke, en fait. Puis c'est comme si je me sentais, tu sais, je me rappelle, je te disais, c'est comme si je me sens comme lésée, en fait. C'est comme si on m'a gardé le plus grand secret du monde. Je me rappelle, c'est vraiment ça que j'avais dit. Puis que là, genre, j'ouvre mes yeux, puis je suis comme, voyons donc, le monde ne sont pas en train de, comme, faire des manifestations mais dans 100%. La rue. Non, mais t'sais? Je pense qu'en plus, c'est... Je me demande si c'est une affaire de parents queer, ça, en fait, de vouloir aller faire des manifestations dans la rue. C'est le bon podcast de se le demander. Ah, exactement. Ouais, non, mais c'est ça, parce que surtout pendant la pandémie, là, je me disais, voyons donc comme que, genre, les parents sont à la maison avec leurs enfants, ils sont supposés de travailler puis de faire comme l'école à la maison en même temps. Mais moi, c'est les gens pour qui j'ai eu le plus de compassion pendant toute la pandémie, parce que, tu sais, comme le monde pas d'enfants... Oui, là, ça allait pas bien, mais ça nous a... Tu sais, comme tout le monde a comme snappé puis réaménagé sa vie de telle manière, parce que t'as le temps de te poser des questions puis de t'enligner ou whatever. Ton enfant, il est là, il s'en va nulle part, il continue de croître et de vouloir être stimulé, puis tu dois répondre à ses besoins de chez vous tout le temps? Ouais, non, en c'est... En hiver? Non, oh, ça faisait God, aucun calice, sens. Là. C'est absurde, puis maintenant qu'on est comme dans un monde un peu différent, là, je dirais pas post-pandémique, là, je pense pas ça, mais comme... On est dans un monde un peu différent, puis on dirait que les parents sont encore... Ouais, c'est ça, post-confinement. Les parents sont encore comme les scapegoats là, de cette situation-là, me semble. Comme c'est toujours eux autres qui ont la claque d'en face. Là, comme en ce moment, je veux dire, les urgences pédiatriques qui débordent, genre, comme qui c'est qui va souffrir? Ben, comme c'est les parents, évidemment les enfants aussi, mais comme... Surtout que le modèle capitaliste, c'est jamais vraiment adapté au fait qu'il n'y a pas... Un, l'obligation d'être marié jusqu'à temps que tu crèves. Deux, une personne qui est à la maison à temps plein. Exactement. Puis même cette personne-là qui est à la maison à temps plein, on ne peut pas nier le stress, la pression, le travail émotionnel, C'est clair. Parce que des fois, on dit tout le temps, ah, mais tu sais, dans le temps, il y avait quelqu'un qui... C'était pas plus facile d'être à la maison avec les enfants, pour ceux qui ont vécu, ceux et celles qui ont vécu la pandémie, genre, justement, là. Moi, il y a des bouts pendant la pandémie où, en fait, je me disais que le fait d'avoir mon kid, ça me gardait un peu comme en contact avec la réalité. Oui. Là. C'est comme je devais être dans le moment présent tout le temps. Je ne vais pas être dans Doomsday 2020. Sauf que c'est après, je suis un peu comme ouf, tu sais, comme l'avenir qui se présente là, à ma fille, c'est un petit peu. C'est moyen, mettons. Ouais. Fait que tu sais, comme qu'est-ce qu'on est en train de faire pour le changer, genre? Puis ça me rend tellement en colère de penser juste qu'on n'est pas en train de, tu sais, aller dans la rue, mais juste parce que tout le monde est épuisé. Ouais. Fait comme je pense que le système que tu décris comme qui nous fait sentir comme si on était Mais je me rappelle que je parlais avec toi, puis j'étais comme le problème, c'est pas le fait d'être parent, le problème, c'est le fait d'être parent dans notre société. Puis comme, puis je voyais dans tes yeux que t'étais comme, non mais ça va s'arranger, comme t'as fait garder, tu te débrouilles, puis c'est comme, oui mais non. Tu sais, puis c'est la répétition à chaque jour, c'est l'épuisement, c'est le fait de pas dormir, puis de devoir performer, puis d'être présent, puis comme. Puis ça revient en fait aussi, ou si t'as pas des parents qui sont déjà retraités, qui ont juste tout leur temps pour ça, puis qui sont pas loin. Il n'y a personne qui a du temps. On ne vit pas dans un monde où les gens ont le temps. Ouais. Le temps est une ressource après laquelle tout le monde court. Absolument. Avec des enfants encore plus. Puis tu sais, même ça, genre, je suis 100% d'accord que c'est super bénéfique pour tout le monde, puis surtout pour les petits-enfants, d'avoir des liens avec leurs grands-parents et tout. Mais même moi, je me questionne tout le temps aussi par rapport à, au fait que je ne veux pas comme sursolliciter mes parents, parce que même s'ils sont retraités, puis qu'ils me disent qu'ils sont tellement heureux de garder ma fille, comme ils ont d'autres choses à faire aussi. Puis comme, tu sais, je trouve qu'on normalise aussi beaucoup le travail gratuit des grands-parents, puis comme si les grands-parents devraient être là, mais en fait, je veux pas reproduire comme une genre d'oppression. T'sais, je veux pas juste déplacer mon problème en allant chiper mon enfant chez mes parents, tu sais, comme, ça aussi, c'est toujours une tension pour moi, tu sais, d'essayer d'être comme, je sais pas, éthique un peu dans ou juste cohérente avec mes valeurs, tu sais. C'est le fun, les grands-parents, mais c'est eux autres qui nous ont élevés, fait qu'on sait aussi comment qu'elle aime les enfants, avec quelle valeur! Hey, ça, c'est vraiment, pour vrai, un gros wake-up call pour moi. Je sais pas comment d'autres parents le vivent, mais comme de voir des fois mes parents agir avec mon enfant, je suis genre, oh mon Dieu, mais je me souvenais pas que genre j'avais vécu ça. Puis comme, c'est comme... Trauma revival, c'est comme, c'est pas super là, c'est pas super. J'étais pas prête à ça. Marianne, tu nous as pas mal dit que c'était positif somme toute, genre l'expérience de conception. MP, tu nous as dit que c'était DIY artisanal fait maison. Ouais. Écoute, je pense qu'on a vraiment gagné la loto du donneur là, comme. Tu sais, j'entends souvent, dans nos stories s'il y en a qui sont intéressés. J'entends des fois des amis me dire, ah, tu sais, je cherche un donneur en ce moment, puis j'ai pas comme, tu sais, de gens autour de moi qui... Parce que ça, nous autres, on voulait que Héloïse puisse aller poser des questions finalement, tu sais, à son donneur un jour, puis dire comme, donne-moi des infos sur, je sais pas, ma génétique, là, tu sais. Ah ouais. Mais c'est pas n'importe qui là, qui est willing de faire ça, puis de d'être comme ouvert, puis en même temps de pas avoir de genre weirdness de oh mon Dieu, c'est mes gènes. C'est pour ça que vous avez pas pris un ghost straight non plus. Là. C'est que les autres sont buckés avec ces affaires-là. Mais imagine si mon enfant était quelque part dans le monde. Mais oui, mais tu sais, ils ont fini hétéro. Tu vois bien que les parents ont fait une job de merde en partant. Déjà. C'est sûr qu'ils vont juste transmettre leur trauma. Il est pas straight, mais il est en couple avec une fille en ce moment. Puis comme elle aussi était comme la face de Charlie en ce moment, c'était vraiment priceless. mais elle aussi était vraiment genre anti-hétéronormativité, là, tu sais, fait que j'avais aussi cette douceur-là là, qui venait avec, c'était cool, ouais. C'est nice. C'était-tu compliqué de choisir la méthode? Parce que je veux dire, quand tu sors de la méthode traditionnelle des bébés qui naissent dans les choux... ben, moi, pour vrai, sans donneur connu, je sais pas si je l'aurais fait. Ouais, hein? Moi, c'était un peu une condition. Le monde trouve ça weird, là, genre, OK, tu sais, t'es dans des pièces différentes, genre le donneur se crosse, ramène son sperme, puis toi, il faut que tu te le mettes dedans, soit avec une seringue, soit avec tes doigts, comme tu veux. Mais tu sais, les gens trouvent ça weird, puis genre un peu, parce que c'est pas des situations qui arrivent souvent ou qu'on s'imagine tant que ça. Mais moi, personnellement, je trouve ça moins weird que dans un truc médicalisé où t'es en jaquette d'hôpital sur une table d'hôpital où genre là, on t'injecte ça, puis c'est comme, OK, ma grande, reste là 15 minutes. Moi, ma mère, elle m'a raconté ça. Elle l'a fait, tu sais, tu passes à travers parce que c'est ça qu'il faut, mais tu sais, au final, avec quelqu'un que tu connais, tu peux un peu plus, genre, trouver ça drôle ou genre mettre ça casual, tu sais. Si pogné un gars straight, ça, c'est weird. Ça, c'est weird. Ça c'est vraiment lourd. Mais je trouve que, ouais, comme, honestly, c'est sûr que c'est awkward la première fois, là. Mais oui, là. Mais après ça, c'était drôle, tu sais, comme... Mais oui. Une fois passé la awkwardness, là, c'était... Toi, t'as-tu épluché des tonnes et des tonnes d'options? Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment bizarre d'être en clinique de fertilité. Puis même avant tout le processus de choisir un donneur, comme sur des catalogues virtuels, puis tout ça, c'est vraiment bizarre. Mais nous, je pense qu'on n'arrivait pas à identifier des personnes dans notre entourage qu'on pouvait imaginer comme un donneur en fait connu. Je pense qu'il y a aussi c'est plus dur que ça a l'air. Alors pour les amis de Marianne qui écoutent, on est vraiment désolés. Y'all are unfit. Non, mais je pense qu'on n'arrivait juste pas non plus, je pense, à s'entendre. On n'était pas comme... C'était tellement une grosse décision. On n'était oui, ben oui. pas confortable avec comme la place que cette personne-là jouerait. C'était comme... On savait pas. Fait que c'était tellement compliqué qu'on s'est juste dit, gars, on va aller en clinique puis on va voir. Puis en commençant aussi les examens de fertilité, on s'est rendu compte que je pouvais pas porter d'enfant. C'était super compliqué pour moi. Il fallait que je me fasse opérer. Puis là, le médecin nous a proposé une alternative qui était quand même super intéressante, où est-ce qu'il a dit, mais Marianne pourrait faire un don d'ovules à Marie-Ève. Puis on a dit oui. Fait que, fait que ça, c'était cool aussi, parce que on... Mais c'est ça, le fait qu'il nous a proposé ça, on a trouvé ça aussi comme, je sais pas, juste positif. Puis on a décidé de rentrer là-dedans, puis on n'aurait jamais pu faire cette procédure-là si on l'avait faite à la maison, tu sais. Ouais. Puis il y a beaucoup de couples qui aiment ça, c'est là que l'ovule soit de l'une, mais que ce soit une autre qui le porte, tu sais. Oui, c'est une option. Après ça, tu sais, je trouve que peu importe, ça aurait pu être différent aussi, puis je pense que ça aurait été aussi valide et tout, tu sais, mais il y avait vraiment comme une réflexion, une condition médicale qui est un peu derrière ça. Mais tu sais, moi, ça a vraiment été, ça a été super positif, puis c'est ça, il n'y avait personne dans notre entourage qu'on était comme, ah oui, c'est sûr que ça va être cette personne-là qui va être le donneur. T'sais, fait qu'on a décidé de vraiment aller comme au hasard. Ouais. Puis, tu sais, ouais. Puis la loterie génétique, ça s'est bien passé? Ouais, ben je suis vraiment biaisée. Mon Dieu, mais... Oui, non, mais j'ai vu son enfant, puis 10 sur 10, là. Vraiment. Voilà. Merci. Magnifique, elle est magnifique. Je te dis que si la collecte de sperme, c'est un enjeu de loterie, Charlie a vraiment un problème de gambling. Ah, moi, pas. Mais moi, pour vrai, il y a une affaire magique d'avoir un donneur inconnu, là. C'est que. Ah, ton donneur est inconnu. Donneur inconnu. Puis moi, ce qui est le fun, c'est que, étant un dude moi-même, je sais pas à quoi je vais ressembler plus vieux. J'ai pas de photo. Je sais pas à quoi. Fait que, tu sais, c'est quand même un peu. Moi, c'est quand même chanceux que t'as déjà l'air 5 ans plus vieux que ton âge. Ben, c'est ça, t'as déjà un. That's it, mais je trouve ça le fun, ce côté-là, quand même, tu sais. Mais je en tout cas. Quand mon tu père disais... est mort à 47, fait que je sais jusqu'à à peu près quand. Bon, that's it, c'est ça. Mais tu disais aussi, tu sais, d'avoir un donneur qui serait willing de répondre aux questions de ton enfant si jamais il survenait, tu sais. Je trouve que ça écho vraiment à genre, tu sais, mettons mes mères qui étaient tout le temps genre. OK, mais tu sais, justement, rendu à 18 ans, si tu veux contacter le donneur, on a ce qu'il faut, il n'y a pas de problème, jamais de tabou par rapport à ça, tout le temps dans l'ouverture. Puis je trouve que, je sais pas ça aurait été comment si justement il n'y avait pas eu cette ouverture-là, mais je sais que le fait qu'il y ait autant d'ouverture par rapport à ça, ça a rendu la chose tellement pas intéressante. Là. Hey, le pauvre donneur qui attend l'appel, donc qui est comme, vas-tu m'appeler, vas-tu pas m'appeler? Ah non, moi je suis juste comme, je le ghost, là, fuck okay. off. Là. Mais non, mais moi je suis juste comme, déjà parler à des monsieur plus vieux hétérosexuels, ça m'intéresse pas en général. Là je suis comme, en plus il y a ma génétique puis il risque de me ressembler, mais on a rien en commun. Non, mais c'est vrai que. J'ai jamais eu tant que ça, cette curiosité-là, mais en même temps, ça vient du fait que, je veux dire, des parents, j'en ai deux, là, tu sais. Je veux dire, je comprends, là, que, en tout cas, pour moi, le manque du père, c'est un problème de gens qui ont des pères, là, tu sais. Je veux dire, si t'as quelqu'un à identifier qui t'a manqué dans ta vie, je comprends, mais tu sais, moi, ce n'est pas le cas, tu sais. T'imagines si t'es un humoriste. Qu'est-ce que t'as dit? T'imagines si t'es un humoriste, j'entends pas, c'est Mike Ward. Oh my god. On a résolu le mystère. Voilà. j'ai l'impression que je serais un petit peu plus parlotte, là, mais en tout cas. Ben, t'es très blanc. Ah non, mais Mike Ward, il est translucide. Là. Moi, je suis pas sur le même shade de blanc, là. Ça va, là. J'avais jamais associé Mike Ward à ça. Ah, Mike Ward, pour vrai, il a pas de fun, là, okay. sur une plage à Cuba, là. Il reste à l'ombre, là. Oh my god! Ben, en tout cas, sur cette belle image de Mike Ward en speedo à Cuba, on s'en va chercher un café. On va chercher un café. Ouais, au resort, en se promenant au soleil, en niaisant Mike Ward, parce que lui, il peut pas. Meilleur café qu'on t'allait chercher ever. That's it. Voilà. Et on revient au beurre caféiné. Hey, j'ai failli oublier ça. Alors, on est revenu de notre café. Mike Ward n'a pas bronzé. Non. Du tout. Il est juste rouge, esti. Il est rouge. Ouais. Donnez-y de la crème d'attente à quelqu'un. Ou donnez-y une bonne slap, parce que ça fait mal quand on a le soleil. Là. Alors là, on a parlé de procréer. Après avoir procréé, il faut les élever, ces enfants-là. Une fois que t'es assez nourri, t'es assez torché, esti. Ouais. Mmh. Ouais. Faut les éduquer, ces affaires-là. Comme parents, parentes, queer et féministes, jusqu'à maintenant, ça a été quoi les plus grands défis par rapport à cette fameuse éducation queerment et féministement de vos enfants? J'aime ça que le parent, c'est le terme neutre, puis t'as réussi à le féminiser. Parent, parent. Absolument. Non, mais j'adore. Kevin Parent, c'est Kevin queer, Parent. C'est queer, le parent. Ah! Oui, parent. Est-ce que c'est bon? Écoute, moi, ma fille a 2 ans et demi. D'ailleurs, tu vois, je me pose encore la question. Est-ce que je devrais dire mon enfant plutôt que ma fille? Ouais. Écoute, on n'est pas... Je sais, son enfant en public! J'ai une excellente anecdote qu'il y a à peu près 6 mois, quand elle était encore pas trop sûre de ses mots. À un moment donné, genre, Marie, elle me racontait qu'elle avait dit dans un magasin, « Oh, regarde la madame! » Puis là, comme... Elle était comme, mon Dieu, mais je pense que j'ai jamais dit le mot madame en avant d'elle. Elle doit avoir poussé à la garderie. Puis là, plus tard, j'étais comme, elle me raconte ça. Puis là, je dis à Héloïse, comme, maman, c'est-tu une madame? Puis là, elle est juste comme, oui. Puis là, je dis, toi, t'es-tu une madame? Oui. Oh. Puis là, elle dit, maman, c'est-tu une madame? Oui. Non. J'étais comme, ben, c'est ça. C'est exactement la bonne réponse. Ouais, ouais. Non. Tu sais, comme, ça. Mais honnêtement, La pression autour de que je me mets à moi-même autour de l'éducation de ma fille peut être parfois intense. Mm-hmm. Juste parce que, ben, tu sais, you don't want to fuck it up. Ouais. Mais aussi, comme, il y a comme une performance qui vient avec le fait que d'être parent qui est, je pense, un peu plus intense quand t'es queer. Là. Oui. Comme, c'est juste comme, OK, mais il faut aussi que. Je suis comme le représentant de tous les parents queer quand je suis dans un espace comme avec d'autres parents. Ouais, fait que ouais. Si je fais pas bien ça, t'sais, ou juste devant mes parents, là, des fois, juste la manière que je vais discipliner, entre guillemets, ma fille, comme je me dis, c'est sûr qu'ils sont en train de me juger, peut-être, là, t'sais, fait comme, je suis aussi bien que ça réussisse en esti. Sinon, tu vas m'entendre parler. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense qu'au début, on était, c'est ça, super rigoureuse, comme on en laissait passer aucune, tu sais, avec tout le monde, mais ça nous a vraiment épuisé en fait. Ouais, c'est ça l'affaire. Vraiment. Puis là, on s'est séparés. puis on a dû chacune comme aussi se retrouver dans notre propre parentalité toute seule, même si on est resté coparents, il y a quand même eu un moment où est-ce que... C'est un shift, mais oui. Ouais, il y a un shift, puis tu veux aussi laisser à l'autre l'espace de comme se reconstruire et tout ça. Charlie, t'es mue, est-ce qu'il faut qu'elle se mouche? Fait que tu sais, par la force des choses aussi, on s'est ouvert aux autres. Je pense le fait qu'on se soit séparés, tu sais, comme nos parents ont été un peu plus impliqués à certains moments. Puis là, je pense qu'on a été obligés de ralentir. Ouais. Mm-hmm. Puis ça a été une bonne chose, en fait. Puis je me rends compte que ce qui est important, c'est plus la cohérence dans le temps. Que, tu sais, à chaque fois d'être comme super stressé puis de comme vouloir reprendre les autres. Puis ça, c'est comme, finalement, tu choisis aussi un peu tes moments où est-ce que tu te sens capable de confronter ou pas. Puis tu sais, ton enfant, il est conscient de ça. Puis tu sais, moi, c'est ça, là, elle est rendue qu'elle a 7 ans. J'allais dire Edby, mais pas encore, elle a 7 ans. Puis, tu sais, je la vois. C'est vrai qu'au moins, t'es pas encore en train de coller ça en mois. Ah, non, elle a 37 mois! Puis, tu sais, je la vois que, dans le fond, il y a des choses qu'elle a vraiment comme compris puis intériorisées, puis qu'elle est capable maintenant de... Tu sais, de faire des nuances qui étaient super importantes pour moi, fait que ça me rassure, tu sais. Puis je me dis, mais est-ce correct que des fois, j'ai pas juste repris mes parents à chaque fois ou repris d'autres personnes, tu sais, qu'il y avait des moments où est-ce que j'avais pas l'espace pour le faire, mais ça a pas comme corrupt mon enfant, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que. Ouais, la fois où, genre, ta mère a dit ma belle-fille, elle a fait comme, excuse-moi, on me valorise seulement avec mon physique, ok, great! Mais en fait, elle répond ça maintenant, comme ma mère, quand elle a dit, ah, oh, ma princesse, tu sais, elle est comme. Je suis pas une princesse. Mm-hmm. Je suis ta petite fille. Nice. Ouais, ouais, ouais. Parenting goals. Ouais, puis je suis comme, OK, c'est bon, tu sais, je peux me relaxer un peu, puis ça a valu la peine des fois de. C'est ça, de pas non plus tout le temps m'épuiser, en fait. Parce que c'est vraiment épuisant aussi. Je comprends, là, c'est sûr. Ouais. Ouais. Ça, MP, t'en as parlé un peu, mais tu sais, être parent, surtout queer, c'est nécessairement se heurter au jugement, non seulement des autres parents, mais basically tout le monde, parce que même pour les couples straight d'ailleurs, c'est il y a un moment dans ta vie où quelqu'un va faire hey, moi je le lèverai pas de même cet enfant là, puis moi c'est ça que je fais, c'est toujours très facile pour les personnes qui ont pas d'enfants de genre nous c'est deux personnes queer à mère dans le resto pendant que l'enfant pète une crise pour regarder les parents avec nous, parce que nous autres on n'a jamais vécu ça, qu'on n'a pas d'empathie pour ça, on veut juste le silence. Oui. c'est quoi les points sur lesquels vous tenez votre bout, puis les points sur lesquels vous dites ok là à un moment donné moi je vais me donner un break, ou c'est-tu variable, c'est quoi les espaces, tu sais, toi aussi t'en as parlé un peu, il y a des moments où je suis comme ok là je suis prête à fight for it, et des moments où non, y a-tu des moments où c'est comme ça jamais je le laisse passer? C'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est variable. En fait, ça dépend aussi où est-ce que ton enfant est rendu, tu sais, dans son cheminement. Puis, tu sais, il y a des moments où, tu sais, comme là, mettons, nous, est à l'école, puis est vraiment dans un espace de normativité très, très fort. Puis, tu sais, comme. Je la laisse aussi un peu expérimenter ses propres limites par rapport à jusqu'à où elle a envie de s'exposer. Puis, je pense que c'est ça. C'est là où, tu sais. C'est là où je lâche prise. C'est comme, mettons, quand elle avait commencé la maternelle, au début, on avait comme été voir la prof, puis on avait comme vraiment mentionné qu'on était deux mères, puis que c'est super important pour nous que notre enfant soit comme encadré, soutenu dans ça, puis validé, puis que si elle avait besoin des ressources, la prof, on allait comme lui envoyer la coalition, ouais. Peu importe, tu sais. On va t'envoyer une coalition. Oui, puis tu sais, puis j'aimerais la tellement ça, les goons à genre... les goons à Mona Greenbaum, là, que ça a fait pour Tom. Là, ma chum m'a t'expliqué comment ça fonctionne une famille parentale, puis tu vas te dire oui. Mais c'était un peu ça, dans le sens que, tu sais, Gabrielle était venue avec, genre, le livre de Alice et Ulysse, là, un moment donné en classe, puis là, il l'avait lu. Puis tu sais, comme je pense que c'était bien. Mais là, tu vois, cette année, elle est rendue en deuxième année. Puis là, quand je suis arrivée au début de l'année... Il y avait comme exposé comme des petites fiches de présentation. Puis il y avait, fait que c'était comme mon nom, mon âge, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand, je sais pas trop quoi. Mm-hmm. Puis il y avait un carré où est-ce que tu pouvais dessiner ta famille. Puis Gabi, elle a pas dessiné sa famille. Elle a écrit en miniature, comme il faut prendre genre une loupe. Maman 1, maman 2, Gabi. Mais vraiment en miniature. Puis, tu sais, ça m'a un peu affectée parce que j'étais comme, OK, qu'est-ce qui fait que tous les autres enfants avaient tout dessiné, tu sais? Puis après, j'y avais parlé, puis j'avais dit, tu sais, pourquoi t'as pas dessiné, tu sais, Gabi, est-ce qu'il te manquait du temps ou t'étais-tu gênée? Puis elle m'a dit, oui, je suis gênée, j'avais pas envie que les autres parents y voient que j'ai deux mamans parce que je sais que c'est différent. Puis, tu sais, là, je vois qu'elle sent le jugement. Puis j'accepte, en fait, que c'est vraiment difficile. Puis je peux pas lui imposer puis lui dire, ben non, faut que tu sois fière. Puis je suis tellement pas dans ce narratif-là. L'enfant aussi, il a le droit de choisir les moments. Oui, puis c'est ça. Puis tu sais, comme je trouve que c'est... Que comme kid, t'as plus les instincts de préservation que nous autres. Comme adultes, ça prend vraiment du temps avant de cheminer puis de faire comme, hey, j'ai pas à mener ces batailles-là. Comme enfant, dans un milieu super normatif comme l'école, moi, à un moment donné, j'ai compris que c'était le fait d'avoir deux mères qui attiraient des questions à n'en plus finir. Puis pas nécessairement, c'est-à-dire que tu sais, ce qu'on se dit, le scénario catastrophe qu'on se dit dans notre tête, c'est l'intimidation, le bullying, mais c'est pas ça. C'est vraiment juste la charge d'avoir à expliquer ta famille tout le temps à tout le monde. Oui, exact. Tu sais, genre, moi, c'était pas normal là, qu'à 7 ans, je sois capable d'expliquer le principe d'une insémination artificielle et ce, à d'illustres inconnus, là, comme ça va, là. Encore une fois, parenting goals, c'est présent. Comme... Oui, non, mais c'est ça, tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, ben, c'est vrai là, que je me suis tanné de, comme, tu sais, ma prof qui me retient à la récréation, je suis comme, je veux aller jouer, je veux pas t'expliquer comment, genre, on fait une insémination, mais c'est vrai, tu sais. Puis d'ailleurs, je en tout cas, je parle de ça dans mon bit d'humour sur mes mères lesbiennes que MP a vu d'ailleurs au Snowflake Comedy Show. C'était splendide. That's it, je voulais ton Google review. Splendide. Great. Splendide. Je ne suis pas un fier d'humoriste, je suis drôle pour vrai, OK. Fait que... Ah ouais, tu parles de tes mères lesbiennes dans ton skit d'humour. Mais pour vrai, à peine... Je touche à peine le sujet comme je c'est suis pas du tout central. D'habitude réservé par rapport à ça. Tu devrais parler de ton expérience dans le service à la clientèle. Ça non plus, personne n'a jamais fait ça. Oui. Ouais. Oui. En tout cas. C'est ça. Mais pour Héloïse, c'est elle a... Elle a juste 2 ans et demi, là, tu sais, son contact avec la société, c'est la garderie puis ses grands-parents, là, en ce moment. Puis, tu sais, je pense que il a fallu que je me dise à moi-même souvent comme ce que elle va retenir par rapport à son éducation puis par rapport à moi, c'est ce que moi, je vais lui dire. Fait que, tu sais, de reprendre les autres, d'une certaine manière, ça peut être utile si c'est, comment dire, si c'est blessant ou si c'est... Mais quand ça, c'est un reflet de ce que l'autre personne pense, comme whatever, Alors que si moi, je l'appelais, tu sais, ma belle princesse, ou, tu sais, comme, je pense que ça, ce serait pas mal plus impactful, tu sais. Mais comme si, après qu'on ait eu une interaction X, je lui dis, tu sais, c'est vraiment cool que t'aimes les camions autant, là, comme, tu sais, genre, j'essaie juste de la valider, moi, comme, sans trop intervenir sur qu'est-ce que les autres font, parce que, anyway, ça fait juste créer, je pense, comme, en tout cas, la plupart du temps, créer du malaise. C'est sûr que s'il y avait du harm, là, comme, ce serait d'autres choses, là. Mais comme, ses grands-parents, ils sont juste, ils ne sont qu'amour pour elle, là. Ben, comme, oui. C'est sûr qu'ils sont plus genrés que tu sais. En même temps, là, tu regardes, moi, mes parents, ils sont, tu sais, je veux dire, c'est des parents hétéros boomers, là. Oui, oui, oui. Mais comme, ils ont pas non plus des rôles genrés très évidents, là. Tu sais, mon père, je pense qu'il a jamais tenu un tournevis de sa vie, là, tu sais. Puis comme, genre pendant longtemps, même c'était ma mère le breadwinner là, comme chez nous. Fait que tu sais, comme il y a comme une espèce de, je pense pas que ça, pour l'instant, ça l'impacte tant que ça, mais j'ai vraiment, j'appréhende là, l'école, puis toutes ces affaires là de toute façon, comme... l'impression que j'ai, c'est que peu importe dans quel type de famille t'es, il y a quand même une grosse partie de la parentalité qui est expliquer des choses a posteriori. Oui, vraiment. C'est ça. Puis juste, t'es pas constamment dans, ok, là je vais t'expliquer ce que tu viens de voir et d'entendre, ok, c'est, je vais continuer à t'expliquer ce que tu vois et tu entends. Tu sais, comme, mon rôle à moi, c'est de qu'elle se sente safe avec moi. Ouais. Exact. Tu sais, comme, puis que je lui montre aussi que je vais me battre pour les choses qui sont importantes pour moi puis pour elle, tu sais. Mais je peux pas changer l'opinion de tout le monde, là, c'est sûr. Des fois, c'est un peu frustrant. Oui. Je serais rendu à la question point de genre, c'est quoi les choses sur lesquelles vous faites des compromis, genre le plus, là, mettons? Que vous vous dites ça, va le comprendre seul. On dirait que je suis pas sûr de comprendre. Ça, parce que moi, je suis comme posé, puis j'étais comme, on l'a tout couvert, mais c'est pas grave, parce que Marie-Hélène, qui nous écoute en ce moment, va pouvoir crop. Tout couper, oui, crop c'est ça. Ce moment-là, puis recommencer à. Attends, je vais te faire un clap. Fait que justement, il y a ces affaires-là où des fois on slack la pédale. Mm-hmm. C'est quoi les compromis qu'on fait après ma barre que c'est comme, ok, genre, ça. Que vous êtes déjà plus donné un break ou vous étiez pression maximale dès le début? Mais ça n'a pas. Je sais pas si ça a rapport avec la queerness. Tout pourrait avoir un rapport avec la queerness, je pense. Mm-hmm. De mon point de vue, exactement. Mais c'est vraiment les affaires qui ont rapport avec son corps que j'ai vraiment de la misère. Comme si quelqu'un lui dit. Tu devrais manger davantage. Je suis juste comme, non, excuse-moi, non. Ouais. Comme, non, ça je, genre, je vraiment, j'ai vraiment de la misère avec ça. Ouais, je comprends. Mais c'est les affaires de gender, il a fallu comme que je fasse beaucoup de travail envers moi-même, comme à un moment donné, parce que j'étais super angoissée par rapport à la quantité de vêtements qu'elle avait qui était plus féminin versus plus masculin. Puis là, c'était comme... Ouais. Puis là, à un moment donné, c'est comme là, fait de dos la nuit. Là. Exactement. Grave, là. Exactement. On va parler là-dessus. Vraiment. Puis genre, elle, ce qu'elle veut, c'est comme... son obsession, c'est la couleur rouge en ce moment. Là. Ouais. Comme c'est pas... On confond beaucoup non-genré avec neutre. Oui, ouais, c'est mais ça. Mais c'est pas... Je veux dire, que tu sois non-binaire, une femme, un homme, ça devrait être une décision dans tous les cas. C'est ça. Après ça, c'est sûr qu'à un moment donné, faut mettre des mots sur les affaires. Puis j'imagine qu'il y a l'aspect aussi, justement, genre, ben mon enfant, à un moment donné, va être garoché dans le monde extérieur. T'as comme... Peut-être pas le choix, mais comme ça peut simplifier la tâche un peu de dire, OK, ben là, on va accepter que... Moi, mon enfant va être habillé seulement en gris, baggy. Ouais, c'est ça, là. Ouais. Avec une coupe de cheveux faite au hasard comme un hard kit de Concordia pour être sûr. Puis à la maternelle, on va le laisser avoir sa crise existentielle, puis on verra ce qui va se passer. C'est un peu weird, là. T'sais, ton enfant, c'est pas une expérience non plus, tu sais. Ouais. Moi, de mon côté, ben c'est sûr que c'est super important pour Marie-Ève et moi. Puis là-dessus, on s'entend là, vraiment, tu sais, la question de donner l'opportunité à Gabrielle de choisir, puis qu'il y a plein de modèles au niveau des familles, des sexualités, tout ça, ça on en parle vraiment tout le temps, puis plein de façons possibles et imaginables. Puis Gabrielle, je pense qu'elle est vraiment à l'aise avec ça. Tu sais, elle me dit souvent que elle aime les filles, par exemple. Elle aime des filles dans sa classe. Puis tu sais, puis ça, c'est vraiment comme... Je veux dire, on questionne même pas ça. Tu sais, on le présente même pas comme une exception. C'est vraiment... Ça fait partie de ses choix. Mais au-delà de ça, moi, dans mon histoire personnelle, moi, j'ai des parents qui ont immigré. du Moyen-Orient. Puis moi, je suis vraiment... j'essaie en tout cas d'accompagner ma fille dans un amour profond, mais en même temps réflexif de ses origines. Même si j'ai un rapport critique par rapport aux origines biologiques, là, ça n'a rien à voir avec la question des origines biologiques. C'est vraiment plus notre bagage familial. Puis moi, j'ai quand même été... j'ai grandi avec une haine de moi-même, de mes origines arabes. Parce que c'est aussi le contexte dans lequel j'ai grandi. Là. Moi, en 95, au référendum, j'avais 13 ans, 14 ans. Ça a été vraiment damageable pour moi. Là. C'est les propos super racistes et tout. Puis pour moi, c'était vraiment important dans mon identité à ce moment-là de m'associer à une blancheté québécoise, puis d'effacer en fait mes marqueurs potentiels de racisation qui sont beaucoup à travers mon nom de famille et mes parents. L'accent de mes parents. Oui, je suis une personne entre guillemets racisée ou qui peut vivre des formes de racisme, de racisation, mais je pense que c'est important aussi de prendre un recul puis de prendre acte aussi des privilèges que j'ai parce que je vais pas vivre le racisme comme d'autres personnes qui ont des marqueurs de racisation beaucoup plus visibles. Ouais. Donc, tu sais, je suis consciente aussi de ma blancheté partielle, comme j'ai envie de la nommer comme ça, en tout cas, ou de certains facteurs de privilèges que j'ai dans ma vie, du fait que je suis née ici, que j'ai un pronom francophone, que je parle un Québécois aussi avec, selon moi, un accent qui est très montréalais. Bref, Québécois Radio-Canada. Voilà, fait que, tu sais, j'ai quand même des privilèges qui sont importants, mais malgré tout, j'ai grandi avec une haine de moi-même, puis ça a vraiment eu de mes origines, de mes parents. Je voulais vraiment cacher le fait que mes parents étaient arabes, puis ça a été super dommageable pour moi au niveau identitaire. Puis je veux pas transmettre ça à ma fille. Puis tu sais, je pense que la parentalité, c'est beaucoup... Qu'est-ce que tu transmets, en fait? Ouais. Tu sais, l'exercice de la parentalité, l'histoire de la parentalité passe beaucoup à travers la transmission. Puis ça, c'est une conversation que j'avais eue avec Marie-Ève aussi, tu sais, avant qu'on ait un enfant. Puis ça, je serais toujours super grateful d'avoir eu cette partenaire-là, mais d'avoir ce coparent qui était vraiment dans le fait de m'accompagner dans une revendication positive de mes origines, puis de vraiment célébrer aussi le fait que notre enfant, tu sais, vient de ces origines-là. Fait que, tu sais, pour moi, Gabrielle, ça me fait tellement du bien quand elle est fière. C'est pas seulement qu'elle normalise le fait que ses grands-parents sont arabes, mais comme elle associe ça positivement. Ça vient vraiment la chercher dans quelque chose de positif, de joyeux. Puis tu sais, éventuellement, c'est sûr là, qu'elle va être confrontée elle aussi à... D'ailleurs, l'autre fois, c'est la première fois qu'elle a vécu du racisme, en fait, dans sa classe. Il y a un enfant qui s'est moqué de son nom de famille parce que là, mon nom de famille est celui de son autre parent. Puis ça m'a vraiment... Elle est rentrée dans la voiture puis elle braillait avec vraiment là, sanglots. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis elle est comme, il y a un enfant dans ma classe qui m'a dit, je suis bête, c'est quoi ce nom-là? Haha, je vais te battre. Puis comme, je me faisais dire ça, moi, quand j'étais petite, tu sais. Puis comme... Ça m'a fait de la peine, puis en même temps, j'étais comme, OK, tu sais, ça fait aussi partie de son parcours. Puis comme nous, quand on a décidé de donner le nom de famille Chabat, c'était vraiment pas anodin, c'était vraiment aussi comme on voulait, tu sais, marquer avec elle le fait que ça fait partie de ses origines. Mes parents lui parlent presque exclusivement en arabe. Je trouve ça tellement nice. Hey, trop nice. Elle comprend pas tout le temps, mais en même temps, elle adore ça, elle leur demande. Ouais. Tu sais, fait que. Je l'ai accompagnée là-dedans, on a parlé, j'étais comme, tu sais, Gabi, moi aussi, quand j'étais petite, on se moquait de mon nom de famille, puis, tu sais, je comprends que ça soit vraiment difficile, puis on a eu ce talk-là, mais en même temps, je me rends compte comme, tu sais, moi, mes parents, ils n'ont pas eu ces outils-là parce qu'eux-mêmes, ils ont immigré, puis eux, ils sont arrivés dans un moment où est-ce qu'on valorisait beaucoup l'assimilationnisme, tu sais, comme, ils sont arrivés juste un petit, fin des années 60, puis... Vraiment, ma mère, elle m'a dit, là, il fallait vraiment que tu rentres le plus rapidement dans le modèle québécois blanc, puis comme ça allait pas bien aller, là, si tu faisais pas ça, là. Ça a tellement changé, maintenant, il faut que le monde apprenne le français en 6 mois. Oui, c'est ça, mais bien évidemment, c'est déguisé autrement. C'est vrai, c'est ça les messages en temps, puis il avait compris la game, tu sais, c'est-à-dire que le moindre moment que tu captes les cues sociaux sur toi, t'es comme, bon, ben... Ça a été très dommageable pour mes parents, parce que même après, eux, ils avaient un rapport... Même après qu'elle fait ça, on les a accusés du vote ethnique, c'était eux autres. Mais oui, mais même eux, ils avaient... Mais ils avaient un rapport super ambivalent par rapport à ce qu'ils pouvaient nous transmettre parce que je sentais que s'ils nous parlaient trop en arabe ou s'ils valorisaient trop le bagage libano-égyptien, comme ils allaient être vus comme des mauvais immigrants. Fait que moi, j'ai été témoin de cette tension-là, puis ça s'est traduit en tension en moi. Puis là, ouais, je suis juste dans un genre réappropriation totale, ouais, de ce que c'est avec ma fille. Puis ça me fait tellement du bien. Et ça fait tellement du bien à mes parents que leur enfant queer, tu sais, que genre, eux, dans leur tête, mes parents, ils ont beaucoup associé aussi le queerness et moi-même à la blancheté. Ouais. Tu sais, fait que là, le fait, comme ils adorent ça, le fait que genre, tu sais, je me revendique une forme de queerness, tu sais, puis en étant lesbienne, puis en même temps, j'embrace mes racines, puis tu sais, comme... Je pense qu'il y a quelque chose de très healing dans ça pour tout le monde. Puis ouais, là-dessus, je suis intransigeante, tu sais. Ouais. T'as un beau, une belle conclusion pour aller chercher un café. Hey, moi là-dessus, ouais, café à ouais. Café. Puis on va revenir au caféiné. On va revenir au caféiné, ouais, comme toujours. Ouais. Imagine, maintenant, on revient juste pas. Pas mal ça qui va se passer après l'épisode 10. Là, ils, ouais, sont au courant. Oui, ils sont au courant. Ouais, ouais, ouais, ouais. Parle-moi-en pas. Non, mais c'est je sais. C'est pas imagine, il y a clairement du monde qui n'ont pas vu sur nos médias sociaux. Là, fait que là, je fais juste leur annoncer de même, vraiment prête. Voilà. Ben, en tout cas. Papa est allé chercher un paquet de cigarettes, puis jamais revenu. C'est ça. C'est ça. Dans la dernière saison, vous aimez. Revenu de ce café-là. Hey, qu'on est revenu de ce café-là. Revenu qu'on est. T'en es-tu revenu? Hey, café de ce revenu qu'on est de là. C'est tout ça en même temps. Même s'il y a de plus en plus de familles LGBT visibles, les modèles restent quand même rares et ça reste quand même des familles exceptionnelles, même en 2022. C'est vrai qu'on est exceptionnel. Exceptionnel, oui. C'est exceptionnel. Voilà. Ça arrive-tu des moments où on vous fait sentir que votre famille est différente? Est-ce que les gens accrochent sur des affaires, genre, puis qu'ils vous le disent ouvertement? Tous les jours. Ah ouais, ouais, ouais, tous j'ai, les j'ai jours. J'ai envie de dire, comme, je pense que quand les gens captent dans l'espace public, genre, at large, je pense que quand les gens captent qu'on est une famille queer, on se sent différent, on se sent altérisé. Comme après ça, je pense qu'il y a cette espèce de... C'est très tabou, en fait, là, tu sais, de montrer qu'on est comme... C'est pas dérangé, mais qu'on remarque la différence. On semble dire, mais non, c'est cool, tout est correct. Tu sais, on est en 2022, puis c'est vraiment correct. Mais dans les faits, les gens sont vraiment strange, là, sont vraiment surpris, puis... même, je dirais, dérangé par la présence de parents queer. En tout cas, moi, je le vois à l'école. Tu sais, il y a cette espèce de bienveillance supposée, là, où est-ce qu'on se dit ouvert et tout ça. Mais dans les faits, moi, je trouve que les gens sont pas vraiment à l'aise, puis ça dérange, puis ça disrupte. Puis je vois aussi que les profs sont souvent... doivent aussi souvent tame, genre, tu sais... agir en termes de comme de neutralité là, tu sais, on veut pas brusquer personne, on veut pas trop déranger, donc on va pas trop mentionner qu'il y a peut-être des modèles différents dans la classe, mais en même temps on veut soutenir l'enfant, puis tu sais, alors qu'une réelle neutralité ce serait d'être la personne qui met en lumière le fait qu'il y a plein de modèles familiaux différents, que ce soit des parents ensemble puis ensemble, des parents absolument qui sont deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, puis là justement de faire penser que la famille ça peut être autre chose. Je veux vraiment pas shame le travail des professeurs au primaire qui est genre vraiment exceptionnel en général. Comme moi, Gabriel est rendu à sa troisième professeure, puis comme en général, ils font vraiment du travail, ils travaillent super fort, ils sont très bienveillants, très ouais, bienveillantes et tout ça. Mais en même temps, je sens quand même, tu sais, moi, ma sœur, mettons, est prof au primaire depuis 15 ans, puis elle m'en parle, elle, de son point de vue, puis c'est vraiment, t'as cette pression de devoir accommoder la personne en situation de privilège tout le temps. Oui, parce qu'en plus, si t'apprends aux enfants que les queers, ça existe, une petite gang de parents straight qui vont comme « Là, t'es en train de exactement faire ta propagande, ton exactement, agenda la gay. Propagande. Puis si on parle de différentes religions ou si on questionne, par exemple, pourquoi est-ce qu'on célèbre Noël? Et tu sais, comme... combien de fois qu'on a eu ce petit débat-là au Québec? On devrait avoir des cours capable. Sur éthique et culture religieuse ou ça devrait être des cours sur... C'est l'enfer. C'est le petit enfer. Tu sais, je pense que fait qu'il est là, le malaise, il est là, il existe. Mm-hmm. Puis moi, en tout cas, je trouve que après, c'est très rare que des personnes vont venir explicitement nous faire des commentaires négatifs, bien que ce soit arrivé. Puis bien que, surtout quand Marie-Ève était enceinte, elle a vécu beaucoup, beaucoup de jugements extrêmement négatifs. Tu sais, vraiment, elle s'est faite ridiculiser. Elle a vraiment vécu beaucoup de micro-agressions, plusieurs. Mais c'est ça, les gens vont pas nécessairement dans notre face nous dire comme ça pas d'allure, vous êtes deux gouines dégueulasses, je sais pas quoi, on n'est pas là, mais en même temps, moi je sens quand même qu'on est différent puis quelque part on dérange. Ouais. Ouais. Toi MP, t'as failli tomber en bas de ta chaise quand Ryan nous a dit que c'était à tous les jours. Est-ce que t'as une expérience différente? Ouais, mais je pense que c'est beaucoup dû à l'âge de ma fille, mais aussi... Ah, ouais, c'est aussi, vrai. Ouais, c'est non, vrai. Mais, 7 ans versus 2 c'est et demi. C'est ça, ouais. Ça fait une grosse différence, mais aussi, comme je pense, le contexte des deux dernières années fait en sorte qu'on n'a pas été beaucoup en contact avec le monde. Ça, c'est vrai. D'une certaine manière, c'est peut-être un privilège. Là, comme quand c'est le moment où on se dit « on est donc ouais. seul », mais là, maintenant que Marianne a parlé de tout, c'est pas super. Comme, moi, je pense que ce qui me... En tout cas, ce que j'ai davantage vu dans les presque 3 maintenant premières années de vie d'Héloïse, c'est comme c'est plus au niveau de la représentation comme culturelle. Fait que c'est comme chercher des livres avec comme 2 mamans, c'est comme maudit, faut que je commande des livres comme de France ou est-ce que OK, il y a 2 mamans mais aussi des stéréotypes de merde sur des c'est comme les autochtones là comme oh c'est God, genre ouais, ouais, ouais. C'est, sérieusement c'est ridicule, genre je parce que je c'est là que tu rentres dans la grande catégorie de c'est absolument impossible d'être non, purement de gauche et non problématique. Ça. Là. C'est ça. Puis je suis juste comme, OK, fine, je vais en écrire moi-même des livres, mais genre, ouais, c'est ça. D'ici à ce qu'ils soient publiés, comme il y a quand même du chemin à faire. Puis comme, je vais toujours me souvenir de quand récemment on regardait une émission sur Netflix. T'as fait le fun, Netflix. Puis dans comme la section kids. Là. Ouais. Puis là, comme. J'ai réalisé que comme dans l'émission, il y avait un bébé camion qui avait 2 mamans camion, puis genre j'ai pleuré. Comme c'est tellement révolutionnaire. Comment est-ce que des camions de lesbiennes en plus, c'est non, fierce. Non mais à vous, c'est ça, c'est comme c'est juste des camions, faut savoir. Ouais. Puis comme il y avait dans tout l'univers de Netflix Kids, aucune autre représentation à ma connaissance pour les très jeunes enfants. Tu sais, comme il y en a là, tu sais, mettons, dans Passe-Partout maintenant, là, comme il y a deux mamans, tu sais, comme c'est nice, mais comme pour les bébés... Quand comme... j'étais jeune, on avait grand-papa Bi. Puis là, Héloïse, elle a... Mais une légende. Une légende, oui, oui. Ouais, il a grandement influencé ma sexualité. Oui, Bi icon. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais comme... Puis Héloïse, elle a catché tout de suite. Genre, elle était comme, oh, le camion, il y a 2 mamans, tu sais. Puis là, comme, il y a, tu sais, même si elle est très jeune, comme, elle était comme, I see myself, tu sais. Puis c'était, c'est juste, j'en parle, puis genre, j'ai des frissons. Mais, à l'inverse. Plus touchant que 2 semi-remorques. Tu veux-tu name drop le show pour oui, les ça s'appelle Gecko's Garage. Gecko's Garage, OK. Gecko's Garage. Puis comme, je pense que c'est anglais, comme de l'Angleterre, là, pas comme OK, anglais, oui. Là, j'étais comme Gecko's Garage, je te confirme que c'est en anglais. Anglais, mais c'est aussi en anglais. Anglais de l'Angleterre. Anglais de l'Angleterre, oui, on c'est les ça. Salue. Ça, au Québec, comment on dit anglais d'Angleterre, français de France? Pas, pas des anglais d'Ontario. Non, pas, non. Pas le rest of Canada. Pas Westmount non plus. Non, non. Mais à l'inverse, il y a aussi, comme dans les livres que je sais qui sont vraiment nice, par exemple... on va couper son montage. De quoi sont faits les bébés? Je ne sais pas si vous connaissez ce magnifique livre. C'est comme juste un... Non, je suis pas mal au courant. Là. Mais comme c'est un livre qui est juste comme à propos des différentes manières de fonder des familles, ouais. Mais comme qui est très simplifié, right? Puis c'est un livre que Héloïse aime beaucoup parce qu'il y a des bébés dedans, puis elle aime ça comme les bébés. Ouais. Puis des fois j'ai peur genre que comme ça, c'est les gens soient tous comme ton agenda queer, là, que t'es en train, tu sais, de... Tu oversexualises les enfants, alors je suis comme, non, j'apprends à mon enfant des parties anatomiquement correctes, genre, comme, c'est ça que je suis en train de faire, là. Ben, justement, c'est un bon segue parce que des fois, ces gens-là vont dire ça comme avec une espèce d'intention de protéger tes enfants. Ouais. Est-ce que, justement, vous, par le jugement des autres, est-ce que c'est difficile de, comme, entre guillemets, protéger vos enfants de ce jugement-là? Est-ce que c'est comme un enjeu? Est-ce que c'est comme... They're gonna deal with it anyway. Comment qu'on anticipe ça? Parce que est-ce qu'il y a un sentiment de surprotection, genre, parce que vous êtes dans une famille queer ou vous êtes comme au contraire, mon enfant est encore plus mature parce qu'il vit quelque chose de différent? Ben, moi, en toute humilité, là, je pense que Marie-Ève et moi, on n'essaye pas de surprotéger notre enfant. Au contraire, on essaie vraiment de l'éduquer puis de la sensibiliser aux différentes inégalités. Puis, comme on fait pas toujours bien, mais on est vraiment plus du côté de on va avoir des real talks avec elle. À la hauteur aussi de ses capacités puis de ce qu'elle était capable d'accueillir. Mais je trouve que, tu sais, avec 7 ans, là, ça fait 7 ans que je suis parent, là, puis tu sais, je regarde un peu autour de moi, je trouve qu'il y a un peu cette culture de, justement, de surprotéger les enfants, mais je trouve que ça les dessert, en fait, puis que l'enfant, il est jamais trop petit pour développer un esprit critique. Puis il faut trouver des façons. On sous-estime tellement comment c'est intelligent les enfants. On sous-estime tellement. Puis moi, je suis super contente. En fait, on en a fait des erreurs puis tout ça, mais je suis quand même contente un peu comme instinctivement, mais aussi comme en cohérence avec nos politiques queer quelque part, d'avoir quand même pas élevé notre enfant dans cette espèce de bulle de bébé, genre tu sais bébé lala, ouais. Où est-ce que... Tu sais, puis comme, ouais, d'avoir parlé des inégalités avec elle, tu sais, d'avoir abordé avec elle les enjeux de racisme, d'avoir parlé du fait qu'effectivement, il y a des personnes qui sont pas hétérosexuelles puis qui vont vivre vraiment des discriminations. Lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire, puis essayer de l'accompagner pour comme qu'elle se sente pas prisonnière de ça puis qu'elle trouve des façons de dénoncer quand elle se sent à l'aise, mais aussi de trouver des solutions juste pour pas rester dans un statut de victime, ouais, tu sais. Je pense que c'est super important. En même temps, ça se fait vraiment à petite dose. Puis encore une fois, tu sais... C'est pas un bootcamp pour gauchistes non plus, élever un enfant. Non, c'est ça, exactement, tu sais. Mais moi, je suis vraiment plus du côté de... Je veux pas la surprotéger. Au contraire, je veux l'éduquer, je veux l'accompagner dans le fait de péter ces bulles-là qui, en fait, servent à rien puis font juste délayer le trauma. Ouais, il y a cet effet-là aussi, un moment donné, de... Ouais. Tu nous parlais hors d'onde là, que ton enfant commence à comprendre des abstractions, commence à dire pourquoi. Ouais. Je me pose en fait beaucoup de questions sur ce concept de surprotéger parce que je me demande qu'est-ce que ça veut dire. Comme, ouais. Soyons dans la discussion philosophique. Là. Qu'est-ce que ça veut dire protéger, surprotéger, puis protéger de quoi exactement? Parce que... je vais vous donner un exemple. Là, comme j'ai appris récemment qu'il y avait une école alternative, une école primaire à Verdun qui avait été fondée notamment par des familles queer. Puis j'étais bien excitée. Là, comme j'étais genre, oh my God! Honestly, slayful. J'ai trouvé genre comme l'Eldorado, comme it's happening. Mais sur le coup, j'ai aussi un réflexe qui vient de je sais pas trop où, de me dire, oh mais est-ce que ça va être bénéfique à mon enfant d'être dans un environnement qui est comme un peu comme... qui sera jamais complètement aseptisé, mais comme... Tu sais, comme free of comme les affaires qui vont venir plus tard, tu sais. Plus un peu le nouvel équivalent, on va l'envoyer au public, ça va, il va apprendre l'école de la vie. Là. Ouais, c'est ça. Mais après ça, je me suis dit, mais n'est-ce pas que ce serait aussi un cadeau de donner à ma fille un nombre d'années significatives ou est-ce que... Elle construit son identité d'une manière très solide, oui, sans avoir peur, tu sais, de comme la réaction de son entourage, tout ça. Puis je suis encore un peu ambivalente. J'avoue que ça a l'air déchirant comme. Oui, c'est ça. C'est quand, ouais. Je suis quand même ambivalente. Ah, c'est que c'est le fun par voie d'enfant. Seigneur. Tout un fiol quand même. C'est tu te rapproches. C'est pas moi qui prend. C'est pas moi qui prend les qui met le dernier mot, c'est décision. Là. Moi, je suis à peine. Je processe avec, avec sa mère. Là, moi, je suis là. Je l'accompagne, je l'écoute, elle m'appelle, puis tout. Mais moi, c'est, tu sais, je veux dire, c'est vrai que c'est son enfant. Là, moi, je suis. Ben, c'est le fun, par exemple. C'est ah, cute. Ouais. Ah, c'est cute. Moi, quand c'est pas étienne, c'est merveilleux. Non, moi, j'ai un chien saucisse, ça serait parfait. Ah oui, je veux peut-être un chien saucisse. C'est là que je m'arrête. Les enfants des autres sont bien cute, mais je sais pas quoi faire avec. Tu l'appellerais comment? Pistache. Ah! J'ai pris cette décision-là cette semaine, oui. Ah, mon Dieu! Je suis sur la voie dangereuse de me procurer un chien. Ah, si qu'on s'approche du chien saucisse, non, pour vrai. Jean Doschlag, pour vrai, si vous croisez, si dans votre champ de vision, vous avez Safia Nolin et Jess chacun avec leur chien saucisse. Safia Nolin a pas un chien saucisse. Safia Nolin a un chien saucisse qui s'appelle Pizza Getty. C'est un golden retriever. C'est un golden retriever. C'est sûr qu'il avait un chien saucisse. Excuse-moi, ici on a comme les trois personnes très connaissantes à propos de la vie de Safia Nolin. Safia Nolin, moi je sais pas qui m'a dit qu'elle avait un chien saucisse, mais moi j'avais acheté ça et je me suis dit, ben gars. Je tu ne vas pas mégenrer Pizza Getty, tabarnak. C'est parfait. Fait que, obviously, j'ai été outé comme personne qui ne suit pas Safia Nolin sur les réseaux sociaux. Shame, shame. En même temps... Ouais, en même temps, nomme une toune de Safia Nolin. Une toune de Safia Nolin. Fait que... mais c'est ça. Ben, peu importe, là, je vais continuer mon gag. Si tu es dans votre même champ de vision, Jess pis son chien, Safia Nolin pis son chien, c'est 7 ans de chance, là, je sais pas. Parfait. Si, là, parfait. Ça répare un miroir quand c'est quelque part dans le monde, là. Bon. Mm. Hey, je me suis fait ramasser. J'étais sûr qu'elle avait un chien saucisse, calé. Comment ça, un chien saucisse? Quoi ça? Elle a tué un beau chien? Vous avez snap, là! Vous avez snap! ta culture lesbienne, là. Comment on dit? Non, c'est quoi après Pizza Getty, le surf and turf? Est-ce qu'elle aurait rendu avec... Elle va avoir toutes les combinaisons, ça sent bien. Oh my god. Amazing. Je m'excuse publiquement à Pizza Getty de l'avoir méspécisé. Ouais, mérassé. Ben, c'est des races de chiens, c'est ça pareil? Ben, c'est ça. Voilà. C'était même un mélange, on ne sait pas. On connaît pas ses antécédents. Ben, Safia, écris-nous. Voilà, c'est qui son donneur? Voilà. C'est qui son donneur? C'est qui ton donneur? On parlait quand même du fait que ça peut être isolant d'être dans une famille queer, mais j'imagine très bien que vous êtes quand même en réseau avec d'autres familles queer, oui, de près ou de loin, parce que oui, le quotidien est isolant, nécessaire, mais quand même, c'est ça. Fait que, est-ce qu'il y a des gens, d'autres familles, des personnes queer qui gravitent autour de votre famille, puis trouvez-vous que c'est nécessaire ou que ça aide? Mais oui, c'est ça. C'est nécessaire. C'est comme... un outil de survie, là, à ce point-ci. Salvation. Absolument. Heureusement, on est dans l'ère des médias sociaux. Je dis pas ça souvent, parce que souvent, c'est comme... Ah, oui, souvent, c'est l'inverse. Malheureux, oui. Tu sais, je veux dire, j'ai passé un peu de temps à Ottawa récemment, puis c'était comme immédiatement, ça, genre, OK, famille... Ouais. Oui, c'est triste. Famille LGBT sur Facebook à Ottawa, puis genre, j'en ai trouvé, puis on a connecté rapidement, puis pendant la pandémie même, comme, tu sais, il y avait des moments où est-ce qu'on était comme, OK, on va rencontrer des nouvelles personnes, mais à distance. Puis comme, honnêtement, c'est quand même facile de trouver des familles. Bon, ça veut pas dire que tu vas avoir comme les mêmes liens que tu aurais eu avec tes amis de toute la vie, là. Oui. Mais ça amène quand même beaucoup. Puis la question des familles LGBT, on en a parlé, c'est quand même vraiment aussi un outil super important. Oui. Mais comme aussi, même dans toutes les étapes, là, comme de genre conception à... grossesse, accouchement, tout ça. Comme, moi, j'ai eu la chance de faire partie de plusieurs groupes Facebook queer, de futurs parents ou parents. Puis comme, j'ai entendu dire que ils sont vraiment mieux que les groupes hétéros comme sur les mêmes sujets. C'est clair. Parce qu'ils sont juste, ils sont pas comme... dans, je sais pas comment dire, le c'est pas juste une affaire de mère hétérosexuelle qui se met toute la pression du monde, qui sont super dans l'anxiété du père performance, alors que papa se soucie de quelque chose d'autre ailleurs. Oui, puis dans le jugement des uns des autres, il y a beaucoup de ça aussi dans certains groupes comme hétéro, est-ce que c'est comme si tu fais pas genre la diversification alimentaire par l'enfant, que t'es comme un démon, là. Là, vous allez me dire que c'est ça, mais genre... Oui, diversification alimentaire. Je comprends qu'il y a une diversité dans l'alimentation. J'ai compris le principe de base. C'est l'idée de pas comme, t'sais, avoir des purées et des choses comme ça, que l'enfant fait juste comme manger des aliments solides rapidement. Ouais. Bon, ça, c'est toute une affaire. Comme ça, c'est comme politics of parenting. Là, moi, comme... on a les food trends qui affectent les enfants maintenant. It's so big, mais comme... Quoi, ton enfant est pas keto? Exactement! J'allais dire exactement ça. Exactement, mais genre, ça, c'est le genre d'affaire que tu trouverais sur un groupe Facebook hétéro, de genre les gens qui ont... Ah, moi, les gens qui font pas X, Y, Z, là, je ne peux pas. Mais tu sais, comme... c'est comme les grands débats sur l'allaitement. Là. Maintenant, il fallait les allaiter. Maintenant, il fallait pas les allaiter. Là, fallait pas, ça m'a toujours fait rire. Là, je comme, c'est un peu... C'est particulier. Dans la partie porter un enfant, genre, ça doit exister une condition que tu peux pas allaiter, là, mais genre, comme c'est tellement de base, ça me fait rire. Mais non, ça me fait rire, ça. Ouais. Fait quoi? En tout cas, c'est grand débat là. C'est grand débat là. Mais moi, c'est ça. Je pense que c'est super important de s'entourer de d'autres familles queer, mais aussi juste de personnes queer en général. Mm-hmm. Oui. Puis comme de montrer aussi à notre kid que, genre, c'est vraiment pas obligé d'avoir un enfant pour comme. Atteindre un stade de développement optimal dans ta vie, genre vraiment pas, que ça demeure un choix. Comme, tu sais, je pense que dans les communautés hétérosexuelles que je fréquente très peu, je pense. Avec l'air de dégoût un peu, dans ta vraiment, là. J'ai le cœur en me disant. Non, mais dans les communautés hétérosexuelles, tu sais, je pense que on normalise vraiment, plus qu'on normalise, c'est comme un passage obligé d'avoir un enfant presque, tu sais. Puis, comme, je trouve que c'est vraiment problématique, c'est vraiment violent. Puis, je veux vraiment pas élever mon enfant avec cette pression de devoir avoir des enfants. Puis, ouais, fait que je pense que d'être juste en présence de d'autres personnes queer ou juste d'autres personnes qui remettent en question, comme, cette. Domination de l'hétérosexualité, comme c'est vraiment sain, en fait, pour tout le monde, puis pour nos enfants en premier. Oui, puis ce que j'aime beaucoup de quand mon enfant voit comme tous nos amis, notre réseau, tout ça, c'est juste de voir toutes les différentes expressions de ces personnes-là aussi. Là, comme, tu sais, il y a juste tellement une belle variété dans nos amis de comment les gens s'habillent, comment ils se coiffent, comment ils se maquillent ou non. Comme, ou il fallait que j'aille un enfant, il ne saurait même pas quoi ça a l'air un autre être humain. Mais non, mais c'est vrai! c'est vrai, puis tu sais, même juste moi, mettons je me rase pas les jambes, mm-hmm. alors que son autre parent, oui. Ouais. Comme, tu sais, c'est juste différentes manières d'être oui, une personne ouais. avec une vulve, tu sais, ouais. comme exact. Juste, genre, ouais. C'est ça, là, exact. Comme, je suis vraiment fière de ça. Puis moi, je trouve ça le fun aussi en tant que personne queer qui va pas avoir d'enfants, les enfants des autres. Mm-hmm. Moi, ça... C'est le fun, parce que oui. j'en veux pas à moi, mais ceux oui. des autres, je trouve ça magique. Là. Mais tu sais, mettons, t'as du vernis à ongles, mais comme, mm-hmm. c'est, je veux dire, son grand-père porte pas de vernis à ongles, mm-hmm. mais comme, genre, je pense qu'elle serait vraiment comme, juste comme, ben oui. Tu sais, comme, c'est normal pour oui, elle, oui, tu sais, oui, d'avoir oui. juste comme, toutes ces différences. Alors que c'est ça, façon. Regarder des enfants hétéros, c'est aussi faire comme, oui, j'ai ils un collier. Ils sont facilement flabbergastés, je te dirais. Oui, j'ai un collier avec des billes roses dans mon cou. Oh oui, my God. J'ai du vernis, puis là, c'est... Puis moi, ça me dérange mais pas, t'as c'est une moustache, un enfant. Mais avoir raison, au final, m'a pouvoir m'expliquer. C'est juste que, tu sais, c'est tout le temps passé de plat. C'est-à-dire que, bon, t'es cette présence-là dans la vie de cet enfant-là qui va y avoir montré de quoi de différent une fois puis qui va sûrement s'en souvenir longtemps parce que ça a l'air de le marquer, mais tu sais, c'est pas le même vibe que, genre, des enfants de famille queer que, exact. Comme, anything goes, là. T'sais, c'est le fun, là, tu sais. Ouais. Eh bien, sur ce... On va aller chercher un autre café. On va chercher un autre café. Voilà. On va aller... Il y a un café là, qui est vraiment directed towards genre les mères bobos un peu riches là, que c'est comme il y a une poussette dans le logo puis tu peux aller faire ton yoga là puis ils servent du thé puis tout là, c'est vraiment un café qui est fait familial. Ça a l'air vraiment queer ouais. ce que tu décris. Puis c'est tellement queer, vous créeriez pas ça. Mais pour vrai, je pense qu'il y aurait une madame lesbienne qui arriverait là puis toutes les madames là-bas voudraient être chumées pour montrer ah, qu'elles sont donc oui, ouvertes. Sûrement. Puis, sûrement. Qu'elles ont des amis queer, fait qu'on va aller là-bas puis on va être on des va aller stars. Là-bas, on va aller se faire tokeniser là-bas. On va être des ouais. fucking stars. Super. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ils ont besoin de nous autres, là. Entourés d'enfants. On paiera rien, est-ce, ils vont faire gratis pour vous autres, là. Genre, on va-tu vraiment faire du yoga entouré d'enfants? Il me semble que c'est off-brand encore. Non, mais peu importe ce qui se passe là-bas, je veux dire. On... Ça va rester là-bas. On va y aller puis on va faire la même face que Marianne faisait tantôt quand elle a parlé des hétéros. Puis on va revient au café. Overcaféiné. C'était tout pour notre épisode de cette semaine. Merci les Moons d'avoir été avec nous. Merci. Je peux pas croire que c'est fini. Hein? Après seulement 1h40 de discussion. Non, mais ça a passé vraiment vite. Puis genre, j'ai l'impression qu'on a pas tout cover ce qu'il fallait couvrir aussi. Ah, il y aura toujours des choses à dire. Moi, c'est ma hantise depuis qu'on podcast. Je suis en dessous de la douche puis je continue de podcast tout seul. Toutes tes douches cette semaine, tu vas te dire ah, ah pis ça. Ah, ah non, dit, voilà. Ah, j'aurais donc dit. Je veux juste noter que une partie importante d'être un parent queer, c'est de changer toutes les fois où c'est écrit comme papa dans ouais. un livre pour ouais. ma mom. Ouais. Voilà. Oh. Je voulais juste que tout le monde le sache. Très ouais. important. Très important. C'est très bon important. Ça. Voilà. Est-ce qu'on a des plugs autour de la table? Ben là, il va y avoir un livre qui va sortir qui s'appelle « Faire famille autrement » de Gabriel Richard. Oui, donc nous faisons déjà la promotion sur Instagram. Yes. Parfait. Si vous avez écouté notre épisode en reprise, c'était avec la dite Gabriel Richard. Puis on va aller à son lancement jeudi, mais ça va être dans le passé pour dans le passé. L'entendre. Oui. Mais en ce point. Moment, il n'est pas disponible au Québec, mais il va sûrement l'être dans le futur. Oui. Oui. Fait qu'allez l'acheter parce que cette personne est splendide. Puis ouais. Il paraît que les entrevues ont été très intéressantes. Yes! Slay, oui. Gab, slay! Tellement. Puis la coalition des familles LGBT célèbre ses 25 ans l'année prochaine. Puis ils font comme plein de super beaux projets, expo photo, podcast, livres. Puis aussi, ils publient des livres, notamment « Des mots pour le dire » qui est sorti il n'y a pas longtemps. Puis ils développent plein d'outils vraiment, vraiment super intéressants. Pas seulement pour les parents et futurs parents, mais juste pour... les communautés en général. Ouais. C'est vraiment génial. Rejoignez leur groupe Facebook. C'est intéressant de lire oui. les conversations que les parents ont puis les questions qui viennent puis comment que les gens s'entraident à répondre à ces questions-là. Là. Même quand on n'est pas parents, c'est... Puis maintenant, il y a un groupe, je sais pas si c'est pour tous les âges, mais je sais qu'il y a un groupe pour les parents d'enfants qui ont 0 à 5 ans comme qui se réunissent une fois par mois. Fait que si vous avez besoin de socialiser avec des parents queer, faites-le. Puis il y a aussi un groupe pour les parents BIPOC LGBT à travers la coalition des familles LGBT. Malade. Donc ça aussi, je suis vraiment fière d'en faire partie. Puis vraiment, leurs initiatives sont vraiment géniales. Merveilleux. Charlie, où est-ce que tu fais des jokes de mère lesbienne? Yes! Alors, mes jokes de mère lesbienne, vous pouvez les entendre au Terminal dimanche le 4 décembre à 7h30. À la soirée à Arcade, au Arcade Montréal, le mardi 6 décembre. Est-ce que la personne qui a trouvé ce titre-là, c'est un humoriste? Ah, ben oui, absolument. Là. J'ai roulé les yeux tellement. Avec Zach Poitras dans le char, en revenant d'Alma, on se disait, moi, si j'étais Marimé et que j'avais une soirée d'humour, je l'appellerais C'est moi. Shout out Zach, Matchum. C'est ce qui est drôle. Sinon, je vais être au Troquet à Gatineau. S'il y a des moons à Gatineau, je vais être là le 8 décembre. C'est un jeudi à 20h. Sinon, je vais aussi être à la boîte à sardines à Sutton. Il y a des moons en Estrie. Le 9 décembre, c'est un vendredi à 20h. Je serai là. Et le Snowflake Comedy Club est de retour le 14 janvier au Jockey à 20h avec Marc Itzad, Justine Philly, Colin Boudria comme Diversity Hire de Ghost Street Blanc et notre cousine Germaine de la fesse gauche de Papa Pivot, Emna Achour des Ficelles. Fait que, venez voir ça, ça va être full of fun. Yes. MP, t'avais aimé ça correct, le Snowflake? Moi, j'avais trouvé ça correct. C'est bon. Non, c'était quand même cool quand même. Non, c'était vraiment nice. T'as trouvé ça comment les jokes de mère lesbienne? J'ai surtout beaucoup aimé comment est-ce que dans la crowd tu pouvais spotter les hétéros parce que comme ils trouvaient ça très malaisant, les jokes de queerness. Puis ça m'a fait rire presque autant que les personnes sur scène. Mais pour vrai, il y avait quand même. J'ai découvert des perles, je dois dire. Comme je me souviens plus de son nom, là, mais comme j'ai ajouté beaucoup de monde sur Instagram. Ouais. Comme c'était vraiment de la grande qualité. Mais pour elle, il y avait quasiment plus de queer que de straight, genre. Oui! C'était l'enfer, là. C'est vraiment cool. Là. Genre, le Snowflake est queer, là. That's it, là. Puis tout le line-up aussi est comme moitié queer. Fait que, genre, venez-vous-en, là. Au moins, un compteur. That's it. Et vous pouvez nous suivre sur un seul et unique réseau social pour encore un épisode et demi. Deux, le chiffre 2, FIF avec un X à la place du I parce qu'on veut, on peut très bien se faire shutdown par la police des mœurs à ce point-ci, c'est plus bien grave. Deux, FIF, vous devriez changer votre nom. Pourquoi? Ben, mettre le I comme juste pour voir si vous allez vous faire shutdown. Jamais, en plus, parce que vu que c'est en un mot, là, si on passe, surtout que l'Instagram, on s'entend que c'est le même algorithme que Facebook, fait que c'est clair vrai. Que c'est de la petite boîte. Êtes-vous sur Twitter? It's a joke. Oui, on est sur Twitter. En fait, on est revenu sur Twitter. Pour vrai, c'est juste Jess qui pogne du beef avec des célébrités random. Là. Non, mais l'autre jour, sur Twitter, notre post c'était je sais pas comment qu'on ferme notre compte, fait que j'ai juste fait des jokes sur Elon Musk pendant. Il nous a pas encore kick out. On attend toujours, puis je suis aussi allé voir l'excuse bi-hebdomadaire de Rita Baga pour la fois où elle a porté sa petite perruque en 94, tabarnak, je sais plus. Ouais. J'aime assez ça quand ça ressort cette affaire-là, c'est aux deux semaines, c'est super le fun. That's it. Et voilà, alors merci les Moons, bonne semaine, et à la semaine prochaine pour rien qu'un dernier épisode, puis après ça, vous ne nous entendrez plus jamais parler! Ta-ta-ta! Pas vrai, il va y avoir d'autres affaires, c'est juste pour deux filles, on va dire ça, tu sais, quand ils disent... Plus jamais. Nous, se taire! C'est ça. That's it. Merci. Bye. Bye.